Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on cherche une idée de cadeau pour Jasmine. Bah, pourquoi ? C'est son anniversaire ? Mais non, elle quitte l'agence cette semaine. Elle part à la retraite. Ah, mais oui, c'est vrai ! Et alors, on lui offre un cadeau pour son départ. Oui, mais on ne sait pas quoi acheter. Tu la connais bien, toi, Jasmine. Quels sont ses goûts ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Oh, bah, je ne sais pas, moi. Ah, offrez-lui des fleurs. Ou pourquoi pas un CD de musique classique ? Ce n'est pas très original. Oh, alors vous pouvez offrir un livre d'art sur la photo, ou sur la peinture. Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Ah, mais non, le directeur lui achète un livre. Bon, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre idée.